Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledan. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Sorgia FM et il est l'heure, dès maintenant, de votre émission Dansez maintenant, avec aujourd'hui au programme la découverte d'un album. Alors on va en découvrir juste une partie aujourd'hui parce que c'est un triple CD qui est sorti chez Marianne Melody, un triple CD que nous a présenté monsieur Éric Bouvel en personne, c'est lui qui a organisé tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait cet Éric Bouvel cette fois-ci? Eh bien écoutez, il a réuni des accordéonistes, des passionnés de l'accordéon. Et c'est donc cet album qui s'intitule tout simplement, et c'est normal, Les passionnés de l'accordéon, que je vais vous présenter aujourd'hui avec une ribambelle d'artistes, d'accordéonistes très talentueux, pas professionnels forcément, mais qui sont vraiment, qui vaillent le coup d'être écoutés en tout cas. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec cet album, donc un triple CD. On va en découvrir donc une partie aujourd'hui. La semaine prochaine, on découvrira bien entendu la suite. Des accordéonistes qui viennent de plusieurs régions différentes, il faut bien le dire, et on en a un dans la Haute-Savoie, et bien écoutez, qui fait partie de cet album, c'est Julien Poux, qu'on pourra écouter bien sûr au cours de cette émission. L'émission commence maintenant. Dansez maintenant. Allez, on démarre tout de suite avec monsieur Éric Bouvel, le maestro, qui va vous interpréter donc Les passionnés de l'accordéon, et c'est chanté par Sandra Bouvel. Les passionnés de l'accordéon font vibrer la boîte à frissons. Les passionnés de l'accordéon, quand leurs doigts glissent avec passion, ils nous jouent des ritournelles pour rendre la vie plus belle. Ils font chanter avec émotion les passionnés de l'accordéon. Ou qui préfère le piano. Nous c'est partout qu'on démarre, toujours prêt pour un morceau. On joue même sous les étoiles ou bien dans un bal perdu. Les mélodies se dévoilent, on en devient tout ému. un superbe passodoble. Interprété cette fois-ci par Hélène Théry. Une parisienne à Séville, le célèbre passodoble de Bruno Lorenzoni. Allez, on écoute Hélène Théry. Thank you. Sorgia. Allez, cette brise napolitaine était interprétée par Jean-Claude Folny. Belle interprétation. On va continuer avec une Macarena en fête, interprétée par Françoise Jauguin. Toujours extrait de ses Passionnés de l'accordéon, cet album sorti chez Marianne Mélodie et présenté par Éric Bouvel. Dansez maintenant. Sorgia. Voici de retour avec la talentueuse interprétée par Laurence Segui. Thank you. cette fois-ci, c'est une petite tarentelle que je vous propose avec Bérangère Chambin, la tarentelle pour Timéo. Thank you. C'était La Fusée, interprétée par Bertrand Lancelevé. Et voici maintenant La Zumbaya par Isabelle Royer. Allez, c'est en duo maintenant qu'on va retrouver ce Noche Argentina avec Yves Bracconi et bien sûr Monsieur Eric Bouvel. Thank you. Allez, c'est reparti avec la foule, la célèbre foule, interprétée ici par Suzy Servière. Et juste après, on retrouvera Julien Pouls et son Paris, Paris. Ça va être formidable, une belle revue en perspective. La foule d'abord et Suzy Servière. Allez, c'est donc le haut savoyard Julien Pouls que je vous propose d'écouter maintenant avec ce Paris Paris. On s'y croirait, hein, une belle revue parisienne comme ça, ça ne se loupe pas. C'est parti, Julien Pouls. maintenant. Et oui, on était parti dans les grottes de Rocamadour avec Hélène Le Tondal. Et puis on retrouve maintenant Éric Ménégal et cette célèbre nuit blanche magnifique. C'est parti pour une samba, la samba mélodie interprétée par Hélène Théry. Et puis juste après, on retrouvera un style musette de monsieur Jean-Claude Folny avec Éric Bouvel. Rien que ça. Allez, c'est parti. We'll be right back. Sorgia FM. Sorgia. Nous voici de retour avec cette belle chanson qu'interprétait Charles Aznavour, comme ils disent, interprétée ici par Françoise Jauguin. Thank you. Dansez maintenant sur Sorgia FM. Alors moi j'adore ce passo-doble, il s'intitule Viva Delgado et c'est ici Laurent Segui qui va vous l'interpréter, ce Viva Delgado. On enchaînera avec Tico Tico, interprété cette fois-ci par Christine Lorme. Allez, on enchaîne avec ces deux titres, ce passo-doble et cette samba bien entendu. Passo-doble d'abord, Viva Delgado, olé! Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Eh oui, l'émission touche à sa fin, malheureusement, mais alors ce qui est bien, c'est que cet album qu'on est en train de découvrir, les passionnés de l'accordéon, il est loin d'être terminé, et je vous proposerai bien sûr d'en découvrir d'autres titres dès la semaine prochaine sur votre radio préférée, avec donc tous ces artistes, les passionnés de l'accordéon. C'est une très bonne idée, je trouve, qu'a eu Éric Gouvel de rassembler tous ces passionnés, parce qu'il nous propose quand même des titres formidables et vraiment bien interprétés. On va terminer avec Accordéon Musette en duo, toujours Éric Bouvel avec la charmante Bérangère Champin. À la semaine prochaine, au revoir.